Carol Flanders, 7e partie. Il a été dit par des gens mal intentionnés de notre sexe que si nous sommes entêtés à un parti, il est impossible de nous détourner de nos résolutions. Et en somme, je ne cessais de méditer aux moyens de rendre mon départ possible, et j'en vins là avec mon mari, que je lui proposai de partir sans lui. Ceci le provoqua au dernier degré, et il me traita pas seulement de femme cruelle, mais de mère dénaturée, et me demanda comment je pouvais entretenir sans horreur la pensée de laisser mes deux enfants sans mère, car il y en avait un de mort, et de ne plus jamais les revoir. Il est vrai que si tout eût été bien, je ne l'eusse point fait, mais maintenant mon désir réel était de ne jamais plus les revoir, ni lui. Et quant à l'accusation où il me reprochait d'être dénaturé, je pouvais facilement y répondre moi-même, qui savais que toute cette liaison était dénaturée à un point extrême. Toutefois, il n'y eut point de moyen d'amener mon mari au consentement. Il ne voulait pas partir avec moi, ni me laisser partir sans lui, et il était hors de mon pouvoir de bouger sans son autorisation, comme le sait fort bien quiconque connaît la constitution de cette contrée. Nous eûmes beaucoup de querelles de famille là-dessus, et elles montèrent à une dangereuse hauteur. Car de même que j'étais devenue tout à fait étrangère à lui en affection, ainsi ne prenais-je point garde à mes paroles, mais parfois lui tenais un langage provoquant. En somme, je luttais de toutes mes forces pour l'amener à se séparer de moi, ce qui était par-dessus tout ce que je désirais le plus. Il prit ma conduite fort mal, et en vérité, bien pouvait-il le faire, car enfin, je refusai de coucher avec lui, et creusant la brèche en toutes occasions à l'extrémité, il me dit un jour qu'il pensait que je fusse folle et que si je ne changeais point mes façons, il me mettrait en traitement, c'est-à-dire dans une maison de fous. Je lui dis qu'il trouverait que j'étais assez loin d'être folle et qu'il n'était point en son pouvoir ni d'aucun autre scélérat de m'assassiner. Je confesse qu'en même temps j'avais le cœur serré à la pensée qu'il avait de me mettre dans une maison de fous, ce qui aurait détruit toute possibilité de faire paraître la vérité, car alors personne n'eût plus ajouté foi à une seule de mes paroles. Ceci m'amena donc à une résolution, quoi qu'il pût advenir, d'exposer entièrement mon cas. Mais de quelle façon m'y prendre, et à qui, était une difficulté inextricable. Lorsque survint une autre querelle avec mon mari, qui s'éleva à une extrémité telle que je fus poussée presque à tout lui dire en face, mais bien qu'en réservant assez pour ne pas en venir aux détails, j'en dis suffisamment pour le jeter dans une extraordinaire confusion, et enfin j'éclatai et je dis toute l'histoire. Il commença par une expostulation calme sur l'entêtement que je mettais à vouloir partir pour l'Angleterre. Je défendis ma résolution, et une parole dure en amenant une autre, comme il arrive d'ordinaire dans toute querelle de famille, il me dit que je ne le traitais pas comme s'il fût mon mari et que je ne parlais pas de mes enfants comme si je fusse une mère. Qu'en somme, je ne méritais pas d'être traitée en femme, qu'il avait employé avec moi tous les moyens les plus doux, qu'il m'avait opposé toute la tendresse et le calme digne d'un mari ou d'un chrétien, et que je lui en avais fait un civil retour, que je le traitais plutôt en chien qu'en homme, plutôt comme l'étranger le plus méprisable que comme un mari, qu'il avait une extrême aversion à user avec moi de violence, mais qu'en somme il en voyait aujourd'hui la nécessité, et que dans l'avenir il serait forcé de prendre telle mesure qui me réduirait à mon devoir. Mon sang était maintenant enflammé à l'extrême, et rien ne pouvait paraître plus irrité. Je lui dis que pour ses moyens, doux ou violents, je les méprisais également, que pour mon passage en Angleterre, j'y étais résolu, advint ce que pourrait. Que pour ce qui était de ne le point traiter en mari, ni d'agir en mère de mes enfants, il y avait peut-être là-dedans plus qu'il n'en pouvait encore comprendre, mais que je jugeais à propos de lui dire ceci seulement, que ni lui n'était mon mari devant la loi, ni eux mes enfants devant la loi, et que j'avais bonne raison de ne point m'inquiéter d'eux plus que je ne le faisais. J'avoue que je fus ému de pitié pour lui sur mes paroles, car il changea de couleur, pâle comme un mort, muet comme un frappé par la foudre, et une ou deux fois je crus qu'il allait pâmer. En somme, il fut pris d'un transport assez semblable à une apoplexie. Il tremblait, une sueur ou rosée découlait de son visage, et cependant il était froid comme la glèbe, si bien que je fus obligé de courir chercher de quoi le ranimer. Quand il fut revenu à lui, il fut saisi de haut le cœur et se mit à vomir. Et un peu après, on le mit au lit, et le lendemain matin, il était dans une fièvre violente. Toutefois, elle se dissipa, et il se remit, mais lentement. Et quand il vint à être un peu mieux, il me dit que je lui avais fait de ma langue une blessure mortelle et qu'il avait seulement une chose à me demander avant toute explication. Je l'interrompis et lui dis que j'étais fâché d'être allé si loin puisque je voyais le désordre où mes paroles l'avaient jeté, mais que je le suppliais de ne point parler d'explication, car cela ne ferait que tout tourner au pire. Ceci accrut son impatience, qui vraiment l'inquiéta plus qu'on ne saurait supporter. Car maintenant, il commença de soupçonner qu'il y avait quelque mystère encore enveloppé, mais ne put en approcher si fort qu'il devina. Tout ce qui courait dans sa cervelle était que j'avais un autre mari vivant, mais je l'assurai qu'il n'y avait nulle parcelle de telle chose en l'affaire. En vérité, pour mon autre mari, il était réellement mort pour moi, et il m'avait dit de le considérer comme tel, de sorte que je n'avais pas la moindre inquiétude sur ce chapitre. Mais je trouvais maintenant que la chose était allée trop loin pour la dissimuler plus longtemps, et mon mari lui-même me donna l'occasion de m'alléger du secret bien à ma satisfaction. Il m'avait travaillé 3 ou 4 semaines sans parvenir à rien pour obtenir seulement que je lui dise si j'avais prononcé ces paroles à seule fin de le mettre en colère ou s'il n'y avait rien de vrai au fond. Mais je restais inflexible et refusait de rien expliquer, à moins que d'abord il consentît à mon départ pour l'Angleterre, ce qu'il ne ferait jamais, dit-il, tant qu'il serait en vie. D'autre part, je lui dis qu'il était en mon pouvoir de le rendre consentant au moment qu'il me plairait, ou même de faire qu'il me supplierait de partir. Et ceci accrut sa curiosité et le rendit importun au plus haut point. Enfin, il dit toute cette histoire à sa mère et la mit à l'œuvre sur moi afin de me tirer la vérité. En quoi elle employa vraiment toute son adresse la plus fine. Mais je l'arrêtai tout net en lui disant que le mystère de toute l'affaire était en elle-même, que c'était le respect que je lui portais qui m'avait engagé à le dissimuler, et qu'en somme, je ne pouvais en dire plus long et que je la suppliais de ne pas insister. Elle fut frappée de stupeur à ces mots et ne sut que dire ni penser. Puis, écartant la supposition et feignant de la regarder comme une tactique, elle continua à m'importuner au sujet de son fils afin de combler, s'il était possible, la brèche qui s'était faite entre nous. Pour cela, lui dis-je, c'était à la vérité un excellent dessein sur sa part, mais il était impossible qu'elle pût y réussir. Et que si je lui révélais la vérité de ce qu'elle désirait, elle m'accorderait que c'était impossible et cesserait de le désirer. Enfin, je parus céder à son importunité et lui dis que j'osais lui confier un secret de la plus grande importance et qu'elle verrait bientôt qu'il en était ainsi, et que je consentirais à le loger dans son cœur si elle s'engageait solennellement à ne pas le faire connaître à son fils sans mon consentement. Elle mit longtemps à me promettre cette partie-là, mais plutôt que de ne pas entendre le grand secret, elle jura de s'y accorder, et, après beaucoup d'autres préliminaires, je commençai et lui dis toute l'histoire. D'abord, je lui dis combien elle était étroitement mêlée à la malheureuse rupture qui s'était faite entre son fils et moi, par m'avoir raconté sa propre histoire, et me dit le nom qu'elle portait à Londres, et que la surprise où elle avait vu que j'étais m'avait saisie à cette occasion. Puis je lui dis ma propre histoire et mon nom, et l'assurai, par tels autres signes qu'elle ne pouvait méconnaître, que je n'étais point autre, ni plus ni moins, que sa propre enfant, sa fille, née de son corps, dans la prison de Newgate. La même qui l'avait sauvée de la potence parce qu'elle était dans son sein, qu'elle avait laissé en telles et telles mains lorsqu'elle avait été déportée. Il est impossible d'exprimer l'étonnement où elle fut. Elle ne fut pas encline à croire l'histoire ou à se souvenir des détails, car immédiatement, elle prévit la confusion qui devait s'ensuivre dans toute la famille. Mais tout concordait si exactement avec les histoires qu'elle m'avait dites d'elle-même, et que, si elle ne m'avait pas eu dites, elle eût été peut-être bien aise de nier, qu'elle se trouva la bouche fermée et ne put rien faire que me jeter ses bras autour du cou et m'embrasser et pleurer très ardemment sur moi sans dire une parole pendant un très long temps. Enfin, elle éclata. « Malheureux enfant, dit-elle, quelle misérable chance a pu t'amener jusqu'ici, et encore dans les bras de mon fils. Terrible fille, dit-elle, mais nous sommes tous perdus, mariés à ton propre frère. Trois enfants et deux vivants, tous de la même chair et du même sang. Mon fils et ma fille, ayant couché ensemble comme mari et femme. Tout confusion et folie, misérable famille, qu'allons-nous devenir? Que faut-il dire? Que faut-il faire? » Et ainsi, elle se lamenta longtemps, et je n'avais point le pouvoir de parler, et si je l'avais eu, je n'aurais su quoi dire, car chaque parole me blessait jusqu'à l'âme. Dans cette sorte de stupeur, nous nous séparâmes pour la première fois. Quoique ma mère fût plus surprise que je ne l'étais, parce que la chose était plus nouvelle pour elle que pour moi, toutefois, elle promit encore qu'elle n'en dirait rien à son fils jusqu'à ce que nous en eussions causé de nouveau. Il ne se passa longtemps, comme vous pouvez bien penser, que nous eûmes une seconde conférence sur le même sujet, où, semblant feindre d'oublier son histoire qu'elle m'avait dite, ou supposer que j'avais oublié quelques-uns des détails, elle se prit à les raconter avec des changements et des omissions. Mais je lui rafraîchis la mémoire sur beaucoup de points que je pensais qu'elle avait oubliés, puis j'amenai le reste de l'histoire de façon si opportune qu'il lui fut impossible de s'en dégager. Et alors elle retomba dans ses rhapsodies et ses exclamations sur la dureté de ses malheurs. Quand tout cela fut un peu dissipé, nous entrâmes en débat serré sur ce qu'il convenait de faire d'abord avant de rien expliquer à mon mari. Mais à quel propos pouvaient être toutes nos consultations? Aucune de nous ne pouvait voir d'issue à notre anxiété, ou comment il pouvait être sage de lui dévoiler une pareille tragédie. Il était impossible de juger ou de deviner l'humeur dont il recevrait le secret, ni les mesures qu'il prendrait. Et s'il venait à avoir assez peu le gouvernement de soi-même pour le rendre public, il était facile de prévoir que ce serait la ruine de la famille entière. Et si enfin il saisissait l'avantage que la loi lui donnerait, il me répudierait peut-être avec dédain et me laisserait à lui faire procès pour la pauvre dot que je lui avais apportée, et peut-être la dépenser en frais de justice pour être mendiante en fin de compte. Et ainsi le verrai-je peut-être au bout de peu de mois dans les bras d'une autre femme, tandis que je serai moi-même la plus malheureuse créature du monde. Ma mère était aussi sensible à tout ceci que moi, et en somme, nous ne savions que faire. Après quelque temps, nous en vînmes à de plus sobres résolutions, mais ce fut alors aussi avec ce malheur que l'opinion de ma mère et la mienne différaient entièrement l'une de l'autre, étant contradictoires. Car l'opinion de ma mère était que je devais enterrer l'affaire profondément et continuer à vivre avec lui comme mon mari, jusqu'à ce que quelque autre événement rendît la découverte plus aisée. Et que, cependant, elle s'efforcerait de nous réconcilier et de restaurer notre confort mutuel et la paix du foyer. Et ainsi que toute l'affaire demeurât un secret aussi impénétrable que la mort. « Car, mon enfant, dit-elle, nous sommes perdus toutes deux s'il vient au jour. » Pour m'encourager à ceci, elle promit de rendre ma condition aisée et de me laisser à sa mort tout ce qu'elle pourrait en part réservée et séparée de mon mari. De sorte que si la chose venait à être connue plus tard, je serais en mesure de me tenir sur mes pieds et de me faire rendre justice par lui. Cette proposition ne s'accordait point avec mon jugement, quoiqu'elle fût belle et tendre de la part de ma mère. Mais mes idées couraient sur une toute autre route. Quant à garder la chose enserrée dans nos cœurs et à laisser tout en l'état, je lui dis que c'était impossible. Et je lui demandai comment elle pouvait penser que je pourrais supporter l'idée de continuer à vivre avec mon propre frère. En second lieu, je lui dis que ce n'était que parce qu'elle était en vie qu'il y avait quelque support à la découverte, et que, tant qu'elle me reconnaîtrait pour sa fille, avec raison d'en être persuadée, personne d'autre n'en douterait. Mais que, si elle mourait avant la découverte, on me prendrait pour une créature imprudente qui avait forgé ce mensonge afin d'abandonner mon mari, ou on me considérerait comme folle ou égarée. Alors je lui dis comment il m'avait menacé déjà de m'enfermer dans une maison de fous, et dans quelle inquiétude j'avais été là-dessus, et comment c'était la raison qui m'avait poussé à tout lui découvrir. Et enfin, je lui dis qu'après les plus sérieuses réflexions possibles, j'en étais venue à cette résolution que j'espérais qu'il lui plairait et n'était point extrême, qu'elle usa de son influence pour son fils pour m'obtenir le congé de partir pour l'Angleterre, comme je l'avais demandé, et de me munir d'une suffisante somme d'argent, soit en marchandises que j'emportais, soit en billets de change, tout en lui suggérant qu'il pourrait trouver bon en temps voulu de venir me rejoindre. Que lorsque je serais partie, elle, alors, de sang-froid, lui découvrirait graduellement le cas, suivant qu'elle serait guidée par sa discrétion, de façon qu'il ne fût pas surpris à l'excès et ne se répandit pas en passions et en extravagances, et qu'elle aurait soin de l'empêcher de prendre de l'aversion pour les enfants, ou de les maltraiter, ou de se remarier, à moins qu'il eût la certitude que je fusse morte. C'était là mon dessein, et mes raisons étaient bonnes. Je lui étais véritablement aliéné par toutes ces choses. En vérité, je le haïssais mortellement comme mari, et il était impossible de m'ôter l'aversion fixe que j'avais conçue. En même temps, cette vie illégale et incestueuse, jointe à l'aversion, me rendait la cohabitation avec lui la chose la plus répugnante au monde. Et je crois vraiment que j'en étais venue au point que j'eusse autant aimé à embrasser un chien que de le laisser s'approcher de moi, pour quelle raison je ne pouvais souffrir la pensée d'entrer dans les mêmes draps que lui. Je ne puis dire qu'il était bien de ma part d'aller si loin, tandis que je ne me décidais point à lui découvrir le secret. Mais je raconte ce qui était, non pas ce qui aurait dû ou qui n'aurait pas dû être. Dans ses opinions directement opposées, ma mère et moi nous continuâmes longtemps, et il fut impossible de réconcilier nos jugements. Nous eûmes beaucoup de disputes là-dessus, mais aucune de nous ne voulait céder, ni ne pouvait convaincre l'autre. J'insistais sur mon aversion à vivre en état de mariage avec mon propre frère, et elle insistait sur ce qu'il était impossible de l'amener à consentir à mon départ pour l'Angleterre. Et dans cette incertitude, nous continuâmes, notre différend ne s'élevant pas jusqu'à la querelle ou rien d'analogue. Mais nous n'étions pas capables de décider ce qu'il fallait faire pour réparer cette terrible brèche. Enfin, je me résolus à un parti désespéré, et je dis à ma mère que ma résolution était, en somme, que je lui dirais tout moi-même. Ma mère fut épouvantée à la seule idée de mon dessein, mais je la priai de se rassurer, lui dis que je le ferais peu à peu et doucement, avec tout l'art de la bonne humeur dont j'étais maîtresse, et que je choisirais aussi le moment, du mieux que je pourrais, pour prendre mon mari également dans sa bonne humeur. Je lui dis que je ne doutais point que si je pouvais avoir assez d'hypocrisie pour feindre plus d'affection pour lui que je n'en avais réellement, je réussirais dans tout mon dessein et que nous nous séparerions par consentement et de bon gré, car je pouvais l'aimer assez bien comme frère, quoique non pas comme mari. Et pendant tout ce temps, il assiégeait ma mère afin de découvrir, si possible, ce que signifiait l'affreuse expression dont je m'étais servi, comme il disait, quand je lui avais crié que je n'étais pas sa femme devant la loi, ni mes enfants n'étaient les siens devant la loi. Ma mère lui fit prendre patience, lui dit qu'elle ne pouvait tirer de moi nulle explication, mais qu'elle voyait que j'étais fort troublée par une chose qu'elle espérait bien me faire dire un jour. Et cependant lui recommanda sérieusement de me traiter avec plus de tendresse et de me regagner par la douceur qu'il avait eue auparavant. Lui dit qu'il m'avait terrifiée et plongée dans l'horreur par ses menaces de m'enfermer dans une maison de fous, et lui conseilla de ne jamais pousser une femme au désespoir, quelque raison qu'il y eût. Il lui promit d'adoucir sa conduite et la pria de m'assurer qu'il m'aimait plus que jamais et qu'il n'entretenait point de dessein tel que m'envoyer dans une maison de fous, quoi qu'il pût dire pendant sa colère, et il pria aussi ma mère d'user pour moi des mêmes persuasions afin que nous puissions vivre ensemble comme autrefois. Je sentis aussitôt les effets de ce traité. La conduite de mon mari s'altéra sur le champ, et ce fut tout un autre homme pour moi. Rien ne saurait être plus tendre et plus obligeant qu'il ne l'était envers moi à toutes occasions. Et je ne pouvais faire moins que d'y donner quelque retour, ce que je faisais du mieux que je pouvais, mais au fort, de façon maladroite, car rien ne m'était plus effrayant que ses caresses, et l'appréhension de devenir de nouveau grosse de lui était près de me jeter dans des accès. Et voilà qui me faisait voir qu'il y avait nécessité absolue de lui révéler le tout sans délai, ce que je fis toutefois avec toute la précaution et la réserve qu'on peut s'imaginer. Il avait continué dans son changement de conduite à mon égard depuis près d'un mois, et nous commencions à vivre d'un nouveau genre de vie l'un avec l'autre, et si j'avais pu me satisfaire de cette position, je crois qu'elle aurait pu durer tant que nous eussions vécu ensemble. Un soir que nous étions assis et que nous causions tous deux sous une petite tonnelle qui s'ouvrait sous un bosquet à l'entrée du jardin, il se trouva en humeur bien gaie et agréable et me dit quantité de choses tendres qui se rapportaient au plaisir que lui donnait notre bonne entente et les désordres de notre rupture de jadis, et quelle satisfaction c'était pour lui que nous eussions lieu d'espérer que jamais plus il ne s'élèverait rien entre nous. Je tirai un profond soupir et lui dis qu'il n'y avait femme du monde qui pût être plus charmée que moi de la bonne entente que nous avions conservée ou plus affligée de la voir rompre, mais que j'étais fâchée de lui dire qu'il y avait dans notre cas une circonstance malheureuse qui me tenait de trop près au cœur et que je ne savais comment lui révéler, ce qui rendait mon rôle fort misérable et m'ôtait toute jouissance de repos. Il m'importuna de lui dire ce que c'était. Je lui répondis que je ne saurais le faire, que tant que le secret lui resterait caché, moi seule je serais malheureuse, mais que, s'il l'apprenait aussi, nous le deviendrions tous les deux, et qu'ainsi la chose la plus tendre que je pusse faire était de le tenir dans les ténèbres, et que c'était la seule raison qui me portait à lui tenir secret un mystère dont je pensais que la garde même amènerait tôt ou tard ma destruction. Il est impossible d'exprimer la surprise que lui donnèrent ces paroles et la double importunité dont il usa envers moi pour obtenir une révélation. Il m'assura qu'on ne pourrait me dire tendre pour lui, ni même fidèle, si je continuais à garder le secret. Je lui dis que je le pensais aussi bien et que pourtant je ne pouvais me résoudre. Il revint à ce que j'avais dit autrefois et me dit qu'il espérait que ce secret n'avait aucun rapport avec les paroles que m'avait arrachées la colère et qu'il avait résolu d'oublier tout cela comme l'effet d'un esprit prompt et excité. Je lui dis que j'eusse bien voulu pouvoir tout oublier moi aussi, mais que cela ne pouvait se faire et que l'impression était trop profonde. Il me dit alors qu'il était résolu à ne différer avec moi en rien et qu'ainsi il ne m'importunerait plus là-dessus et qu'il était prêt à consentir à tout ce que je dirais ou ferais, mais qu'il me suppliait seulement de convenir que, quoi que ce pût être, notre tendresse l'un pour l'autre n'en serait plus jamais troublée. C'était la chose la plus désagréable qu'il pût me dire, car vraiment je désirais qu'il continuât à m'importuner, afin de m'obliger à avouer ce dont la dissimulation me semblait être la mort. De sorte que je répondis tout net que je ne pouvais dire que je serais heureuse de ne plus être importunée, quoique ne sachant nullement comment céder. « Mais voyons, mon ami, dis-je, quelles conditions m'accorderez-vous si je vous dévoile cette affaire ?»« Toutes les conditions au monde, dit-il, que vous pourrez en raison me demander. » « Eh bien, dis-je alors, promettez-moi sous seing que si vous ne trouvez pas que je sois en faute ou volontairement mêlé aux causes des malheurs qui vont suivre, vous ne me blâmerez, ni ne me maltraiterez, ni ne me ferez injure, ni ne me rendrez victime d'un événement qui n'est point survenu par ma faute. C'est, dit-il, la demande la plus raisonnable qui soit au monde, que de ne point vous blâmer pour ce qui n'est point votre faute. Donnez-moi une plume et de l'encre, dit-il. De sorte que je courus lui chercher la plume, encre et papier, et il rédigea la condition dans les termes mêmes où je l'avais proposée et la signa de son nom. « Eh bien, dit-il, et que faut-il encore, ma chérie ?»« Il faut encore, dis-je, que vous ne me blâmiez pas de ne point vous avoir découvert le secret avant que je le connusse. »« Très juste encore, dit-il, de tout mon cœur. » Et il écrivit également cette promesse et la signa. « Alors, mon ami, dis-je, je n'ai plus qu'une condition à vous imposer, et c'est que, puisque personne n'y est mêlé que vous et moi, vous ne le révélerez à personne au monde, excepté votre mère, et que, dans toutes les mesures que vous adopterez après la découverte, puisque j'y suis mêlée comme vous, quoique aussi innocente que vous-même, vous ne vous laisserez point entraîner par la colère et n'agirez en rien à mon préjudice ou au préjudice de votre mère sans ma connaissance et mon consentement. » Ceci le surprit un peu et il écrivit distinctement les paroles, mais les lut et les relut à plusieurs reprises avant de les signer, hésitant parfois dans sa lecture et répétant les mots « Au préjudice de ma mère, à votre préjudice, quelle peut être cette mystérieuse chose ?» Pourtant, enfin, il signa. « Maintenant, dis-je, mon ami, je ne vous demanderai plus rien sous votre sein, mais comme vous allez ouïr la plus inattendue et surprenante aventure qui soit jamais survenue peut-être à famille au monde, je vous supplie de me promettre que vous l'entendrez avec calme et avec la présence d'esprit qui convient à un homme de sens. « Je ferai de mon mieux, dit-il, à condition que vous ne me tiendrez plus longtemps en suspens, car vous me terrifiez avec tous ces préliminaires. Eh bien alors, dis-je, voici. De même que je vous ai dit autrefois dans l'emportement que je n'étais pas votre femme devant la loi et que nos enfants n'étaient pas nos enfants devant la loi. De même, il faut que je vous fasse savoir maintenant, en toute tranquillité et tendresse, mais avec assez d'affliction, que je suis votre propre sœur et vous mon propre frère, et que nous sommes tous deux les enfants de notre mère, aujourd'hui vivante, qui est dans la maison et qui est convaincue de la vérité de ce que je dis en une manière qui ne peut être niée ni contredite. » Je le vis devenir pâle et ses yeux hagards, et je dis « Souvenez-vous maintenant de votre promesse et conservez votre présence d'esprit. Qui aurait pu en dire plus long pour vous préparer que je n'ai fait ?» Cependant, j'appelai un serviteur et lui fis donner un petit verre de rhum, qui est le cordial ordinaire de la contrée, car il perdait connaissance. Quand il fut un peu remis, je lui dis « Cette histoire, comme vous pouvez bien penser, demande une longue explication. Ayez donc de la patience et composez votre esprit pour l'entendre jusqu'au bout, et je la ferai aussi brève que possible. » Et là-dessus, je lui dis ce que je croyais nécessaire au fait même, et en particulier comment ma mère était venue à me le découvrir. « Et maintenant, mon ami, dis-je, vous voyez la raison de mes capitulations, et que je n'ai pas été la cause de ce malheur, et que je ne pouvais l'être, et que je ne pouvais rien en savoir avant maintenant. J'en suis pleinement assuré, dit-il, mais c'est une horrible surprise pour moi. Toutefois, je sais un remède qui réparera tout, un remède qui mettra fin à vos difficultés sans que vous partiez pour l'Angleterre. Ce serait étrange, dis-je, comme tout le reste. Non, non, ce sera aisé. Il n'y a d'autres personnes qui gênent en tout ceci que moi-même. » Il avait l'air d'être agité par quelque désordre en prononçant ces paroles. Mais je n'en appréhendais rien à cet instant, croyant, comme on dit d'ordinaire, que ceux qui font de telles choses n'en parlent jamais, ou que ceux qui en parlent ne les font point. Mais la douleur n'était pas venue en lui à son extrémité, et j'observai qu'il devenait pensif et mélancolique. Et, en un mot, il me sembla que sa tête se troublait un peu. Je m'efforçai de le rappeler à ses esprits par ma conversation, en lui exposant une sorte de dessein pour notre conduite, et parfois il se trouvait bien et me répondait avec assez de courage. Mais le malheur pesait trop lourdement sur ses pensées, et il alla jusqu'à attenter par deux fois à sa propre vie. La seconde, il fut sur le point d'étrangler, et si sa mère n'était pas entrée dans la chambre à l'instant même, il fut mort. Mais avec l'aide d'un serviteur nègre, elle coupa la corde et le rappela à la vie. Enfin, grâce à une inlassable importunité, mon mari, dont la santé paraissait décliner, se laissa persuader. Et mon destin me poussant, je trouvai la route libre. Et par l'intercession de ma mère, j'obtins une excellente cargaison pour la rapporter en Angleterre. Quand je me séparai de mon frère, car c'est ainsi que je dois maintenant le nommer, nous convînmes qu'après que je serais arrivée, il feindrait de recevoir la nouvelle que j'étais morte en Angleterre et qu'ainsi il pourrait se remarier quand il voudrait. Il s'engagea à correspondre avec moi comme sa sœur et promis de m'aider et de me soutenir tant que je vivrai, et que, s'il mourait avant moi, il laisserait assez de biens pour m'entretenir sous le nom de sa sœur. Et, sous quelque rapport, il fut fidèle à sa parole. Mais tout fut si étrangement mené que j'en éprouvai fort sensiblement les déceptions, comme vous saurez bientôt. Je partis au mois d'août, après être resté 8 ans dans cette contrée. Et maintenant, une nouvelle scène de malheur m'attendait. Peu de femmes, peut-être, ont traversé la pareille.